franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. C'est Stéphanie, aujourd'hui, qui nous a proposé de nous arrêter quelques instants dans sa bonne ville de Bèze, en Bourgogne. Alors, afin d'éviter tous les jeux de mots possibles et imaginables, rappelons simplement que Bèze vient du latin Bézua, un lieu qui signifie « près de la source d'une rivière ». Il ne s'agit donc absolument pas d'une quelconque allusion graveleuse. Alors, à ton amie Marga, comment appelle-t-on les habitants de Bèze ? Eh bien non, pas du tout. On dit simplement les Bézois et non pas les... Bon, on s'est compris, même si les Français sont depuis des siècles considérés comme les meilleurs amants du monde. Bah, Philippe, alors. Ah, bah, c'est ce qu'on dit, enfin, à moins que tu aies envie de dire le contraire. Oh, t'es bête. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie de Monaco. Bonjour Stéphanie, alors vous en pensez quoi, vous ? De ce qu'on dit des Français ? Les Italiens quand même, hein, et puis les Anglais, mine de rien. Dites donc, heureusement que Margaret a moins le goût du voyage que vous. Alors on vous écoute, Stéphanie. Oui, alors voilà, j'ai un problème, enfin, un problème qui n'en est pas forcément un pour tout le monde d'ailleurs. Vous êtes rousse ? Ah ben non, pas du tout, enfin, je vois pas du tout en quoi ce serait un problème. D'ailleurs. Non, parce que vous avez dit, c'est un problème pas forcément pour tout le monde, donc j'ai pensé à ça, c'est pour ça. Ah ben non. D'accord, alors ? Oui, alors voilà, ma question concerne un phénomène dont j'avais entendu parler, mais qui ne me concernait pas jusqu'il y a 2 mois. J'ai rencontré un homme, et nous sommes très en accord, on va dire, sur tous les plans. Vous pouvez préciser un peu ? Alors, sur tous les plans amoureux et physiques. Vous avez eu des rapports sexuels avec ce monsieur ? Ah ben oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, là. D'accord, bon. Qu'est-ce qui mérite que vous en parliez là, maintenant, à nos auditeurs et à leurs enfants, parfois jeunes, qui déjeunent, et à nous-mêmes ? Ah bah c'est une émission médicale, quand même, ce que je dis n'est pas ça, là. Ah non, madame, allez-y. Donc, voilà. Alors, j'ai découvert, avec cet homme, que je faisais partie de cette minorité de femmes qu'on appelle les femmes fontaines. Ah, alors ça, Margaret ? C'est pour toi. Oui. Alors, il ne faut jamais dire femme fontaine. Et ce n'est pas une minorité, hein, Stéphanie. Ouh là là, non. On en connaît un paquet, nous. Ah bon ? Ah oui. Oh bah oui. Alors là, pourquoi t'as dit ça ? Pourquoi t'as fait ça ? Et puis j'ai mal au dos. Et puis je me suis cassé un ongle. Et oh là là, j'ai grossi. Et ça pleure, et ça pleure, et ça fait la fontaine. Ah non, pas du tout. Mais moi, je ne parle pas de ça. Oui, bon, c'est vrai qu'on peut aussi pleurer pour de bonnes raisons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait encore qui vous a fait du chagrin ? Mais non, une femme fontaine, c'est pas ça. C'est une femme qui, au moment de l'orgasme, a une éjaculation très abondante qui peut aller jusqu'à 10 centilitres. Allô ? Philippe ? Allô ? Philippe ? Oui ? Allô ? Ah, oui. Alors voilà, j'avais une question à vous poser. Oui, mais madame, je vais y répondre. Vous êtes incontinente, vous urinez sur votre partenaire. C'est sale. Vous m'avez dit 10 centilitres. Hein. Alors 10 centilitres... Attendez, tu peux me passer un stylo. Tiens. Alors voilà, Stéphanie, merci. Hein. Ah mais non, mais j'ai pas posé ma question. Oui, écoutez, il est midi 20, les gens mangent et boivent aussi, figurez-vous. Du coup, c'est pas forcément très agréable. Voilà. Moins 4. Ça fait 100 millilitres, Stéphanie. C'est pas peu. Ça fait un tiers d'une canette de coca. Oui, pchit, cacolac, Ginny, Rickless, c'est pour le CSA. Hein. Excusez-nous. Mais enfin, c'est pas spécialement sale. Ah bon. Enfin bon, voilà. Ma question, c'est que je voulais demander si ça allait toujours être comme ça ou si c'est juste lui qui me provoque cette éjaculation. Oh, écoutez, madame, maintenant ça va bien. Hein. Franchement, qui est-ce que ça intéresse, voilà. Eh ben moi. et puis 10% des femmes. Bon, écoutez, madame, moi, je vous conseille de porter une couche confiance pendant vos rapports, voilà, et puis renseignez-vous sur des sites spécialisés qui sont certainement un peu plus olé-olé que notre émission. Voilà, madame. Au revoir, madame. Merci. Merci. Et puis alors, attention, Stéphanie, car comme nous l'enseigne Philippe Meyer, celui qui urine contre le vent se retrouve toujours avec les pieds humides. Merci à Yann Chouquet. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Margaret. Au revoir, Philippe. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne. Bon. Bon, ben c'était parfait. Ça va? Dis donc. Ok. On va à la cantine? Vous venez avec nous? Je sais pas. On va voir. Pas tout de suite. Allez-y, mais allez-y, ouais. Partez devant. On va se rejoindre là. Ouais. Voilà. Je ne mange pas avec eux, moi. Je ne veux pas manger, non. Puis il y a les techniciens, tout ça. Non, non. Ah oui. La cantine là-haut. Se taper tous les gauchos de Radio France. Un gaucho, ça va, c'est quand il y en a plusieurs. Non, mais on peut aller bouffer au truc, là. Comment ça s'appelle, le machin, là? Le zébra? Ah, mais surtout, là, je suis pas d'une humeur très céleri rémoulade, tu vois. Et c'est cher, le truc en bas. Parce que la cantine, elle est pas chère, ici. Ouais, c'est vrai qu'à 7,50€ avec la carte, surtout, t'as un déjeuner complet. Mais ils mangent la bouche ouverte, les types, là, je sais pas, quoi. Je supporte pas. On les laisse passer devant? Ouais, mais de toute façon, ils sont partis. Bérénice, attention, elle est là. Ah, j'ai croisé, comment elle s'appelle? Nadine Morano. Oui. Ouais, je sais, je l'ai vue tout à l'heure. Tu l'as vue? Quelle beauté. Hein, t'as elle vu? Est magnifique, c'est cette fou. Femme. Ouais. Pourquoi Sophia Aram, elle lui tape tout le temps dessus, je comprends pas. Je sais pas, en tout cas, j'aimerais bien être comme elle à son âge, hein, parce qu'elle, donc, elle est en forme encore. Mais grave. Hein. C'est dingue, elle marche. Très, très, très, très elle belle. Elle a pas de cadre, rien. Hein. Non, non, non. Ah, j'ai. Faut que. Attends, vas-y, je te rejoindrai après, faut que j'aille à la compta. On a. Pourquoi? Bah, la feuille de paye est de 17 500€. Ouais. Alors que le mois dernier, il y avait 17 300. Je ne sais pas pourquoi il y a un écart. Pourquoi ça change tout à chaque fois? Je ne sais pas. C'est ça qui n'est pas clair. Laisse-les passer. Ils sont pas... Voilà, c'est bon. Alors, pourquoi il y a le... Pourquoi il y a le... Attends, mais c'est quoi? Pourquoi il y a le rouge? Je ne sais pas. Ils n'ont pas... Attends. Ah, merde.